Thank you. C'est pas carré. Il manque plus que l'orage. Je crois qu'il y a une fuite d'eau chez toi. En fait, il est dehors, en fait. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.